بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours dans l'explication du chapitre de la fermeté tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et donc aujourd'hui on verra donc le dixième et le onzième sous-chapitre inshallah ta'ala babu qawli an-nabi صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. Et donc le sous-chapitre concernant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui seront apparents sur la vérité. Ils combattent et ce sont les gens de science. Et donc barakallahu fikum, l'auteur ici, il nous montre un point important. Il est obligatoire qu'il y ait sur terre un groupe de gens qui défendent la vérité, qui disent la vérité et qui n'ont pas peur de se faire blâmer. Et que ce sont ces gens-là qui vont être la cause de l'établissement de la preuve sur les autres. La preuve est établie sur les autres. Les autres ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu la vérité, qu'ils n'ont pas entendu parler de la vérité. Ils en ont entendu parler. Ils ont entendu parler de ce groupe qui est sur la vérité. Mais ils ont refusé de l'admettre et n'ont pas voulu suivre cette vérité. Et donc, ce chapitre, chers frères et sœurs, est très important, car, comme il l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera. À toute époque. Et donc, à toute époque, il y a forcément ce groupe qui est apparent sur la vérité. Il nous dit à la fin, le cheikh, il nous dit, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ce sont les gens de science. Et donc, on comprend encore une fois l'importance de rester avec les gens de science. L'importance d'être avec les gens de science. Et certes, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa anna al-ulama, Warathatul Anbiya, et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc, si tu ne prends pas des héritiers des prophètes, de qui est-ce que tu prends? De qui est-ce que tu prends? Tu vas me dire, je prends directement du prophète. Comment tu fais pour prendre directement du prophète? Tu as pris des écrits d'Al-Bukhari, c'est un savant. Tu as pris les écrits de Muslim, un savant. Et comment est-ce que tu fais pour comprendre leurs écrits? Pour être sûr que tu as bien compris leurs écrits. Et donc il est important, chers frères et sœurs, de revenir vers des gens de science. Il nous cite l'imam al-Bukhari, rahimahullah, la chaîne de transmission qui monte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, « La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. » Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui seront apparents, secourus, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah, et ils sont, alors qu'ils seront apparents et secourus. Et donc, ce hadith est clair, et nous montre donc que ce groupe, ils sont apparents, ils sont secourus. Allah Azza wa Jal, il leur accorde le secours. Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorde le secours. Qu'est-ce qui est voulu par Amrullah, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, le commandement d'Allah? Dans une autre narration, As-sa'a, comme on le verra, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que vienne l'heure. Et donc, est-ce que ici, ce qui est voulu, c'est que ce groupe-là sera présent jusqu'au jour de la résurrection? Non, c'est pas ce qui est voulu. Parce qu'on a l'heure de la... On a As-sa'a al-kubra, donc la fin des temps, l'heure finale. Et on a eu l'heure, ce qui est voulu par là, c'est un moment avant la fin des temps. C'est ce que les savants appellent As-sa'atu as-sughra, la petite heure. Et donc, jusqu'à ce que vienne un moment avant la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer ce moment avant la fin des temps? C'est le moment où il n'y aura plus de croyants. Pourquoi? Parce que la fin des temps, l'heure finale, n'arrivera que sur les incroyants, les pires des créatures. Mais avant cela, il y aura un moment où, justement, donc Allah Tabaraka wa Ta'ala fera en sorte que tous les croyants meurent sur terre. Et donc tous les croyants vont mourir. C'est ce qu'on appelle as-sa'atu as-sughra, la petite heure. Et donc ces gens-là, le groupe qui est sur la vérité, restera jusqu'à ce moment-là. Et Al-Bukhari nous dit après cela, donc, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc, qui justement faisait un sermon et qui disait Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din, celui dont Allah lui veut du bien et lui accorde la compréhension de la religion, wa innama ana qasimun wa yu'tillah, et certes je partage et Allah donne, wa lan yazala amru hadhihi al-umma mustaqiman hatta taqum as-sa'ah ou hatta ya'ti amru Allah, et certes le commandement de cette communauté ne cessera d'être droit, ne cessera d'être sur la rectitude jusqu'à ce que vienne l'heure, et donc ou alors jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, premièrement, on voit dans ce hadith barakallahu fikum l'importance d'apprendre la religion. Ce groupe qui est secouru, ce groupe qui est apparent sur la vérité, ils sont sur la vérité, sur la religion, l'islam qui n'a pas été modifié. Et donc il est impératif que tu apprennes ta religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din, celui dont Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et donc il est obligatoire à tout un chacun d'apprendre quels sont les fondements du groupe sauvé, quelles sont les caractéristiques du groupe sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la communauté se divisera en 73 groupes, tous dans le feu sauf un. Et donc il est impératif qu'on apprenne quelles sont les caractéristiques de ce groupe, afin qu'on secoure la vérité et qu'Allah nous secoure. Et certes, Allah va secourir ceux qui le secourent. Allah va secourir le groupe sauvé. Parce que le groupe sauvé, il secourt la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumu al-ashhad. » Certes, nous secourons nos messagers, ainsi que ceux qui ont cru, nous les secourons. Allah secourt le groupe sauvé, malgré la difficulté, malgré les troubles, Allah secourt le groupe sauvé. Ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, fil hayat dunya, ainsi que le jour où donc les témoins se dresseront. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on défende la vérité, peu importe les difficultés. Nous devons soutenir celle-ci. Et ceci est une des caractéristiques du groupe sauvé. Et nous devons apprendre les caractéristiques du groupe sauvé afin de pouvoir les appliquer, les adopter et les appliquer dans notre vie. Et il y a aussi dans ce hadith, dans ces deux hadiths qu'on vient de voir, le fait qu'il n'est pas permis d'être leurré par le nombre, par le grand nombre. Parce que le prophète, il a dit un groupe de sa communauté. Et donc il y en a plein d'autres qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas secourus sur la vérité. Et donc il ne faut pas être leurré par le petit nombre du groupe. Ça, ce principe est très important, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu un prophète qui n'avait avec lui personne, personne ne l'a suivi. Est-ce que cela signifie que ce prophète n'était pas sur la vérité? Non, il était sur la vérité. Mais la vérité n'est pas liée au nombre. Et donc on comprend dans ce hadith qu'il ne faut pas être leurré par le nombre. On comprend dans ce hadith l'importance de rester aussi avec les savants. Si nous voulons comprendre notre religion, nous devons rester avec les savants. Et aussi nous trouvons dans ce hadith un apaisement pour tous ceux qui aiment la sunna. Pour tous ceux et celles qui aiment la sunna, mais qui rencontrent des difficultés, qui sont éprouvés. Alors sachez que la sunna sera secourue. Allah tabaraka wa ta'ala secourt la sunna et les adeptes de la sunna. Et donc nous devons patienter dans la difficulté. Ensuite, l'auteur qui nous cite un autre sous-chapitre. Babu qawlillahi ta'ala aw yalbisakum shi'a. Et donc un autre sous-chapitre concernant la parole d'Allah Ta'ala où il vous mélangera en groupe, où il fera de vous des groupes. Ici l'auteur il fait allusion donc à la parole d'Allah, le verset قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Dit, il est celui qui est capable d'envoyer sur vous un châtiment venant d'au-dessus de vous, ou alors d'en dessous de vous, ou alors d'en dessous de vos pieds, ou alors de faire de vous des groupes et de faire goûter certains d'entre vous le mal, de faire goûter à certains d'entre vous le mal d'autres. Regarde comme nous mettons en évidence les signes, la'allahum yafqahoun, afin qu'ils comprennent. Et donc, barakallahu fikoum, ici, dans ce hadith, ou du moins dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que nous devons nous méfier des péchés. Nous devons craindre son châtiment. Il est celui qui est capable de nous châtier. Envoyer sur nous un châtiment qui vient au-dessus de nous, ou en dessous de nos pieds. Ou alors de nous diviser en groupe, afin de faire goûter à certains d'entre nous le mal d'autres. Et donc, nous devons faire en sorte de nous préserver de cette punition. Comment nous préserver de cette punition? C'est dans le fait de délaisser les péchés. Et donc, il est important que tu comprennes, ô mon frère, ô ma sœur, que dans la fermeté sur la sunna, il y a le fait de délaisser les péchés. La fermeté sur la sunna, ce n'est pas que le fait de connaître des sectes, le fait de connaître les groupes, etc. C'est aussi le fait de délaisser les péchés. Car certes, les péchés vont impliquer donc la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que son châtiment. Et nous, inshallah ta'ala, on va arrêter pour aujourd'hui et on continue bi'idhnillah la semaine prochaine. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.